Cours numéro 46. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wassalat wassalam. Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Avant de commencer la lecture de notre chapitre, une remarque concernant un des chapitres précédents sur al-Hadaya, sur les cadeaux. Anna hunak nou'un min al-Hadaya muharram. Il y a un genre de cadeau qui est haram, qui est interdit. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hadaya al-ummal ghulul, et faire un cadeau à celui qui a une fonction bien précise, comme un muwaddaf, un fonctionnaire qui travaille dans telle administration, ou un exemple encore plus clair, un juge, alors que l'insan sait qu'il peut, ou il a une affaire au tribunal, et ce juge, il va juger cette affaire, il va lui faire un cadeau via d'al-hal. C'est Mimbab Rishwa. Ils ont posé la question à Shir ibn Uthaymin, rahmatullah alayhi, sur ce genre de cadeau. Qala al-hadiyya la shak annaha tujibu al-mawadda wal-mahabba wal-ulfa bayna al-nas. Ta'ammalu le lien que Shir ibn Uthaymin, rahmatullah alayhi, va faire avec le premier hadith et le deuxième. Le premier hadith, taqaddam ma'ana. Qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, tahadaw tahabbu. Faites-vous des cadeaux, vous vous aimerez. Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullah alayhi, en se basant sur ce premier hadith, قال لا شك أنها توجب المودة والمحبة والألفة. Le fait de faire un cadeau à quelqu'un, il n'y a aucun doute, ça va provoquer du respect, de l'amour, un lien fort. قال وهذا أمر يشهد به الواقع. Tout le monde est d'accord على هذا. ثم قال فالهدية إذا تضمنت محظورا صارت حراما. Si ce cadeau, ça implique le fait de le donner quelque chose de haram, le cadeau lui-même il devient haram. قال مثل أن تهدي إلى شخص موظف لدي الدولة وملزم بأن يقوم بعمل تلك المصلحة فتهدي إليه هدية ليقوم لك بالعمل الذي يقوم به بمقتضى وظيفته. Vu que ce cadeau, à la base, ça va forcément avoir un impact sur celui qui le reçoit. Du respect, de l'amour, de... Obama, si celui qui a fait ce cadeau, il demande une chose plus tard, enfin, par respect, par reconnaissance, l'autre, il va pas vouloir répondre négativement. Enfin, le fait de donner, مثلاً, un cadeau à un juge, alors que ce juge, sa fonction, elle est fondée sur l'objectivité, sur la justice, sur l'adl. Il ne doit pas prendre parti. Enfin, le fait de donner un cadeau à ce juge avant que l'affaire elle passe au tribunal, voilà échec. Ça peut jouer. Il n'y a aucun doute. Il y en a ce juge, ça reste un être humain. Enfin, peut-être la moindre chose, même qui n'est pas sûr, peut-être qu'il penchera vers celui qui a fait le cadeau. Enfin, في هذا الحال, c'est haram. قال رحمه الله. قال فإن هذه الهدية هنا تكون حراما لأن قبول الهدية حرام وما كان سببا للحرام فهو حرام. Dans les deux cas, celui qui a cette fonction, comme notre exemple du juge, bien sûr c'est haram qu'il accepte. Pourquoi? Parce qu'il ne doit pas prendre parti et il doit être objectif et juste. Et si pour lui c'est haram, le fait de lui faire un cadeau, celui qui fait le cadeau, كذلك il tombe dans le haram. قال وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن اللتيبة عاملا على الصدقة فلما رجع قال هذا لكم وهذا أهدي إلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر إلى il a donné cette mission à عبد الله ابن اللتيبة. Sa fonction c'était de s'occuper de الصدقة et l'argent que les musulmans y recevaient. فلما رجع قال هذا لكم وهذا أهدي إلي. Quand il est revenu, il avait des biens et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, cet argent c'est pour vous et c'est pour la communauté, pour les croyants, et cette partie c'est pour moi, on m'a fait un cadeau. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال هل جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا. Et ça c'est un ضابط important, c'est un point important pour reconnaître est-ce que cette hadiyya, ce cadeau, il fait partie du haram qu'on vient de citer هنا. Amla, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال qu'il reste chez lui et qu'il ne travaille pas dans cette fonction que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a donné, qu'il reste chez lui et on verra. est-ce qu'il reçoit un cadeau? Hada, ça nous montre quoi? Pour simplifier, si on revient à notre exemple du juge, ce musulman qui fait ce cadeau à ce juge, s'il n'aurait pas d'affaire au tribunal, s'il n'aurait pas ce lien avec ce juge dans cette affaire qui va être jugée, il ne lui aurait jamais fait un cadeau. Ça montre que ce cadeau, c'est pour quelque chose. C'est pour quelque chose. Et vu que ce quelque chose, ça peut être de l'injustice, et sahib al-haq, il n'a plus son haq, ça rentre fi bab al-rishwa. Ça fait partie de la corruption. Qala alayhi salatu wassalam, هل جلس في بيت أبيه وأمي فينظر أيهدى إليه أم لا وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هدايا العمال غلول. Ce hadith, بعض العلماء ضعفوه dans le isnad, il y a certains défauts, لكن بعض الأئمة ils l'ont حسن avec ما في الباب, et parmi eux الإمام الألباني رحمة الله عليه. Donc هدايا العمال غلول, الغلول c'est le fait de prendre du butin, voler du butin. C'est pour le musulmane, c'est celui qui le prend. Nabi sallallahu faire des cadeaux aux ummal. Al-ummal, al-murad, c'est ceux qui ont une fonction, comme un juge, comme quelqu'un qui travaille dans une administration. قال فلا يحل لأحد قائم على عمل بالدولة أن يقبل هدية من له عنده معاملة. Donc celui qui travaille pour les autorités, un fonctionnaire, il n'a pas le droit d'accepter un cadeau qui est lié avec sa fonction. Mathalan, il lui fait un cadeau parce que il a tel mu'amala ma'a. On a cité l'exemple du juge. Qala an yaqbil hadiyya man lahu 'indahu mu'amala. Mais si c'est un étranger, ça n'a rien à voir avec le travail, ça n'a aucun impact sur le travail. Enfin, dans ce cas-là, c'est un musulman parmi les musulmans. Il a les mêmes jugements par rapport au cadeau. قال لان ذلك شبيه بالرشوه بل هو في الحقيقه رشوه. Ça ressemble à la corruption. ثم الشيخ ابن عثيمين قال c'est de la corruption. نعم, لان la corruption c'est quoi? C'est donner une chose pour acquérir un حق que l'insan il a pas, ou pour un باطل عياذا بالله. فهذا لا شك c'est la corruption. قال لان هذا المهدي انما اهدى ليتوصل الى حقه الذي يجب على المهدى اليه ان يقوم به. خلاصه الجواب, le résumé de tout ce qu'on vient de lire. أنه يجب على من كان قائما على وظيفة من الوظائف أن يتقي الله في نفسه. Celui qui a une fonction précise avec les autorités, un fonctionnaire مثلا, il doit craindre Allah سبحانه وتعالى. قالوا أن يقوم بها على الوجه الذي تبرأ به الذمة وأن لا يمنع حقوق الناس من أجل أن يضطرهم إلى بذل المال له. صحيح أن البعض يخن با الله, et ils ont une fonction précise, un juge ou autre. Et vu qu'ils ne donnent pas le haq aux autres, tu trouves certains musulmans, pour avoir leur haq, ils donnent ce cadeau. Il m'a de l'argent directement, de la corruption claire, il m'a sous forme de cadeau. قال الشيخ رحمه الله هذا من جهة المهدى إليه. Ça c'est par rapport à celui qui reçoit le cadeau, il doit craindre Allah. قال الشيخ رحمه الله فإنه لا يحل له أن يهدي إلى أحد قائم على عمل من أجل أن يقوم بما يلزمه من العمل. أما celui qui donne le cadeau, il n'a pas le droit de donner à cette personne précise parce qu'il a tel travail et pour qu'il en profite هو. فهذا لا يجوز. قال نعم لو فرض أن حقك لا يمكن أن يستخلص إلا بشيء فهنا قد نقول إنه لا حرج عليك. Ça c'est un point concernant la corruption et كذلك notre question d'aujourd'hui concernant les cadeaux. Anahu, si tu as vraiment un haq, et ce fonctionnaire, il veut pas te donner ce haq, telle feuille signée, tel papier, alors que c'est ton haq, tu as le droit, et tu as commis aucune injustice, et tu ne veux pas donner de rishwa, ni de cadeau, ni de... Et tu n'as plus le choix pour avoir hadha al-haq, qu'en donnant quelque chose, fa fi hadha al-hal, kathir min al-ulama, ils disent que c'est permis, kashir min al-uthaymin. قال فهنا قد نقول انه لا حرج عليك لانك تريد استرداد حقك. Dans ce cas, tu veux pas la corruption, tu veux pas être injuste, tu veux pas échapper à une obligation, un de tes devoirs, ou prendre quelque chose qui est haram, batil. La fi hadha al-hal, c'est ton haq, c'est ton droit, et tu n'as pas un moyen de le récupérer qu'en donnant. قال لانك تريد استرداد حقك ولكن الحرج والاثم على الاخر. Dans ce cas-là, si tu donnes, tu es contraint, tu n'as pas le choix pour avoir ce papier, pour avoir cette chose. Enfin, tu donnes et le péché revient à celui qui t'a poussé à hada, qui t'a imposé hada, et rendra des comptes yawm al-qiyam. Hadi, c'est une fatwa muhimma par rapport au cadeau. Enfin, on ajoute cette précision hunak. Walhamdulillah. La référence Nour al-Darb de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayh, et la compilation de fatwa qui lui posait à la radio saoudienne. Enfin, c'est cela la référence, et toutes ces fatwas, elles ont été compilées, rassemblées dans une dizaine de volumes, et elles ont été imprimées, walillahi alhamd. On revient à notre livre. قال رحمه الله ذكر الحث على الضيافة وإطعام الطعام. Ce chapitre, le 46e, c'est sur le hath على الضيافة وإطعام الطعام. Aïe, honorer son invité. الضيافة, c'est recevoir son invité. فالمؤمن من الأمور المهمة qui doit prendre en compte, faire des efforts, c'est d'avoir un bon comportement. Et parmi les bons comportements, c'est al-diyafa, honorer son invité. Wa it'am it'am. Il a cité it'am it'am, c'est une façon d'honorer son invité. Parmi les façons les plus claires, pour honorer son invité, les plus connues, et c'est ce que la plupart des gens y pensent quand on parle de ce point d'honorer son invité, c'est it'am at'am. Aïe, de l'honorer avec de la nourriture, en lui préparant de la nourriture, en prenant soin de lui. قال ذكر الحث على الضيافة وإطعام الطعام. Donc il a cité إطعام الطعام لأن c'est une partie, c'est un moyen d'honorer cet invité. وإلا فسيأتي معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه il est beaucoup plus vaste que cela. وسيأتي كذلك إن شاء الله تعالى des paroles de Ibn Hibban رحمه الله sur ce point. Tu honores ton invité, bien sûr, en lui préparant de la nourriture, en prenant soin de lui avec des belles paroles, avec un visage souriant, en étant accueillant, en s'il a besoin de quelque chose, essayer de faire cette chose. قال رحمه الله حدثنا حامد بن محمد بن شعيب البلخي ببغداد قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. Donc celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala et au jour dernier, il doit faire des efforts في هذا الباب. إكرام الضيف, honorer son invité. كذلك, ne pas faire du mal à son voisin. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم avec des ربما des alfaz différents. لكن لا شك أن ces deux phrases elles sont citées dans plusieurs hadith. قال تقدم تخرجه برقم précision numéro 83. قال نعم ذكر الحث على لزوم الصمت وحفظ اللسان. نعم, le quatrième chapitre تذكرون sur le fait de préserver sa langue, et المؤلف رحمه الله il avait cité هذا الحديث. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Il a cité le début, il a cité الشاهد, le quatrième chapitre, c'était par rapport au fait de préserver sa langue. Donc il a cité la partie par rapport au chapitre. ثم dans le chapitre 46, il a cité la suite. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. Donc, c'est le même hadith. وَالْعُلَمَا dans leur livre, كَثِيرًا, ils font comme cela. أحيانًا, ils citent qu'une partie du hadith, أي الشاهد. Dans Sahih al-Bukhari, ça arrive كَثِيرًا. L'imam Bukhari cite un hadith et il prend que la partie qui est concerné par le sujet qu'il veut traiter, rahmatullah alayhi. Qala na'am akhrajahu al-Bukhari wa Muslim ila akhir. Al-Imam al-Bukhari il a cité hadha al-hadith kadhalik fi al-adab al-mufrad. Na'am, le hadith numéro 102. Le hadith concernant les voisins. Al-adab al-mufrad, on répète, on a souvent cité ce livre fi hadhihi ad-dirasa de ce kitab Rawdat al-Uqala. Limadha? Li anna c'est une référence kadhalik dans les bons comportements. Il a cité هذا الحديث. قال الشيخ العلامة زيد المدخلي رحمة الله عليه dans son شرح ومن جملة الوصايا التي دل عليها الحديث الثاني إكرام الضيف، وهو ما نزل بك ضيفا سواء عابر سبيل أو قادم إليك، فإن الواجب عليك أن تكرمه بما تستطيع عليه من المأكل والمشرب والمسكن. دونك الضيف سي celui qui a besoin de l'hospitalité d'un autre. Un voyageur, il se retrouve dans une ville, dans un pays, dans une région, et il n'a pas où dormir. Il n'a pas où aller. C'est qu'un autre musulman, il l'accueille. Qala, rahimahullah, an tukrimahu bima tastati'. Bien sûr, al-ikram, le fait d'honorer cet invité, le fait de l'accueillir, c'est selon les capacités du musulman. Que ce soit al-ma'kal, ou al-mashrab, ou al-maskan. Par rapport à tes capacités. Qu'est-ce que tu peux lui donner comme nourriture, comme boisson? Est-ce que tu peux le loger, amla? قال وذلك عند القدرة. نعم فاتقوا الله ما استطعتم وتعطيه جائزته. والجائزة هي أن تؤويه يوما وليلة. لأن جاء dans un autre hadith قول النبي صلى الله عليه وسلم في رياض الصالحين إلى un باب جميل في هذا. Il a cité le hadith qu'on vient de lire ensemble, hadith Abi Huraira. Thumma il a cité كذلك hadith Abi Shurayh, Khuwaylid ibn Amr رضي الله عنه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. النبي صلى الله عليه وسلم dans ce deuxième hadith كذلك il est dans Sahih Bukhari wa Muslim, il a précisé جائزته. قالوا, ils ont dit وما جائزته, c'est quoi sa جائزة؟ يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه متفق عليه. Donc pour الضيافة النبي صلى الله عليه وسلم قال فليكرم ضيفه جائزته. الجائزة c'est cette période, une nuit et un jour. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والضيافة ثلاثة أيام. الضيافة c'est trois jours. Donc tu as la première nuit, le premier jour c'est le جائزة, il reste deux jours. ثم قال فما كان وراء ذلك, donc après trois jours, فهو صدقة عليه. Après les trois jours c'est une صدقة. Et c'est recommandé, c'est مستحب d'accueillir et de prendre soin de ce croyant, de cet invité. On revient à كلام شيخ زايد الآن pour connaître الحكم. قال وتعطيه جائزته والجائزة هي أن تؤويه يوما وليلة. Donc la jaiza c'est que tu l'accueilles, tu prends soin de lui un jour et une nuit. Shaban Baz rahimahullah ta'ala قال, donc ça implique al-ghada wa al-asha. Tu vas le servir, tu vas l'accueillir et tu vas lui donner à manger le midi et le soir. Et il va dormir chez toi. Donc la journée et la nuit. قال رحمه الله وذلك حق واجب من حقوقه. Et ça c'est obligatoire. C'est obligatoire. Si un mu'min, il se retrouve dans une ville, dans un pays, et il n'a pas où aller, c'est wajib ala al-muslimin de l'accueillir. Il faut que un, il l'accueille, et il prenne soin de lui, et le minimum c'est un jour et une nuit. قال من حقوقه يطعم أو نعم نعم يطعم ويشرب ويسكن. قال وذلك بحسب قدرة الإنسان الذي نزل به الضيف. Donc on répète, هذا c'est par rapport à la capacité. Celui qui peut lui donner qu'à manger, il ne peut pas le faire dormir, il n'a pas de place, il n'a pas d'endroit. Fahada, il a fait son obligation. Et un autre muslim, mathalan, il le loge. قال وكم له من الأجر فذلك من علامات الإيمان ومن صفات الأخيار. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. Celui qui croit Allah et au jour dernier. Ça nous montre quoi? Ça nous montre أن من علامات الإيمان. Ça montre أن celui qui applique هذا الواجب de un jour et une nuit, cette sunna de trois jours, encore plus s'il dépasse trois jours, ça montre annahu ila al-iman. Il a un iman qawi, ça le pousse à faire mitl hadha al-khayr. Donc un jour et une nuit, c'est obligatoire. Et les deux autres jours, c'est une sunna, c'est mustahab. Et après 3 jours, c'est mustahab, c'est une sadaqa. Donc c'est ça, al-hukm. On a fini. Donc la parole de Cheikh Zayed min Sharh al-Adab al-Mufrad. Tadkurun al-Nafi, dans le livre At-Tabukiya, on avait lu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala min surat al-Dhariyat. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال السلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون تذكرون أنه on avait lu ce verset من رسالة التابوكية il avait cité ce verset il avait cité des فوائد عظيمة في هذا الباب concernant le bon comportement à avoir avec les invités. Enfin, là, on relit. Voilà une partie en résumé. Hatta, on complète ce chapitre avec ses fawa'id de l'imam Ibn al-Qayyim. Donc, Risalat al-Tabukiya. On reprend le passage, si on le retrouve rapidement. On l'avait étudié, walillahi alhamd, cette Risala avec nos frères. Pas sur Ramadan qui est passé avant l'autre. Sur Ramadan, on avait commencé Raudatu al-Uqala. Et le Ramadan d'avant, on avait étudié, walillahi alhamd, cette risala. Na'am. Na'am. Qala qawluhu subhanahu wa ta'ala faraga ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Faqarrabahu ilayhim qala ala ta'akulun. Allah subhanahu wa ta'ala, fi surat al-Dhariyat, il a cité هذه القصة quand Ibrahim alayhi salatu wassalam il a reçu des invités et au départ il ne savait pas que c'était des anges wa min husn khuluqihi alayhi salatu wassalam parmi ses bons comportements annahu il a accueilli ses invités avec un accueil tayyib fa qala azza wa jalla faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin quand ils sont rentrés il est parti voir son épouse et il a apporté un ijl samin. L'ijl, c'est un veau. Pour que sa femme, elle le cuisine pour les inviter. فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ قَالَ ابن القيم رحمه الله par rapport à ce premier verset فَرَغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينَ قَالَ مُتَضَمِّنٌ وُجُوهًا مِنَ الْمَتْحِ وَأَدَابُ الضِّيَافَ وَإِكْرَامَ الضَّيْفِ. Cette partie, ce verset, il y a plusieurs bons comportements qu'on doit prendre en considération avec nos invités. قال رحمه الله منها قوله فراغ إلى أهله والروغان الذهاب في سرعة واختفاء فراغ ça vient du mot الروغان et الروغان c'est le fait de sortir rapidement et discrètement donc quand il a reçu ses invités il les a fait rentrer chez lui alayhi salatu wassalam et il est sorti discrètement et rapidement pour parler avec son épouse et pour préparer هذا العجل ce veau pour ses invités. قال وهو يتضمن المبادرة إلى إكرام الضيف. تأملوا أنه il n'aura pas demandé est-ce que vous voulez manger من هذا الكلام. Là directement il est parti pour que ce veau il soit préparé. Ça c'est من الأدب. المبادرة. قال والاختفاء ترك تخجيله ولا يعرضه للحياة. لأن le fait de demander aux invités في هذا الحال ou de ne pas sortir discrètement. Ou si les invités remarquent que tu prends ton argent, tu prends ton sac, un sac pour faire des courses, ils vont se sentir mal à l'aise. C'est la pudeur. Tu dois tout faire pour qu'ils soient à l'aise. Sortir discrètement, rapidement, et bien sûr, ne pas les mettre mal à l'aise. Si tu demandes à tes invités, est-ce que vous avez faim ? Est-ce que je vous emmène à manger comme ils font certains ? C'est de la maladresse, hada. Léana al-Dhaif, même si la faim, fi hada al-hal, awulan, tu vas le mettre mal à l'aise, et peut-être qu'il va dire al-amr sahl, et il va citer des choses pour ne pas te déranger. Qal wa hada bi khilaf man yatathaqal, yatabarad, na'am, qal yatabarad ala dhaifih, thumma yabruz bi mir'an minh, wa yahullu surrat al-nafaqah. Ce qu'on vient de citer. Al-Nalwad, ils n'ont pas ces bons comportements. Enfin, ils sont très très lourds. pour se déplacer. Et كذلك, comme a dit l'imam Ibn Qayyim rahimahullah, Obama, il ouvre son porte-monnaie devant les invités et commence à chercher l'argent. Achad min dhalik, Obama, il parle à un de ses enfants ou à son épouse dans certains trucs. Est-ce qu'il y a telle chose? Est-ce qu'il faut que j'achète telle chose? Tout ça, il n'y a aucun doute que ça mettra à l'aise ton invité. قال ويزن ما يأخذ ويتناول الإناء بمرأة منه. كذلك les plats que son épouse a besoin, il prend les plats vides et il passe devant eux. Et là, chacun a الضيف voit tout cela. قال ونحو ذلك مما يتضمن تخجيل الضيف وحياءه فلفظ راغ تنفي هذين الأمر. فراغ إلى أهله. فراغ إلى أهله. Donc il est sorti discrètement, rapidement, et on sait pourquoi. On sait pourquoi, ça fait partie des bons comportements. Pour ne pas mettre mal à l'aise les invités. قال وفي قوله إلى أهله مدح آخر لما فيه من الإشعار بأن كرامة الضيف معدة حاصلة عند أهله وأنه لا يحتاج أن يستقرض من جيرانه ولا يذهب إلى غير أهله إذ نزل الضيف حاصل عندهم. نعم. Vu que Ibrahim il était Karim, alayhi salat wa salam, et il avait l'habitude d'accueillir les invités, fait directement il est parti voir son épouse. Il savait que son épouse elle était prête à accueillir ses invités, à préparer cette nourriture. Enfin, et ça montre une autre faïda importante. Ils doivent s'entraider. Que les invités, c'est du côté du mari ou du côté de la femme, ou des invités que des étrangers, comme c'est le cas d'Ibrahim et de sa femme. Ils ne connaissaient pas. Si le mari veut faire un effort pour appliquer al-khayr al-azim et il trouve que son épouse elle ne l'accompagne pas, elle est contre, enfin, c'est très très difficile. Si c'est l'épouse qui est motivée et le mari, il ne veut pas sortir faire les courses, il ne veut pas dépenser, il a khérif, c'est difficile. Et bien sûr, selon les capacités de chacun. قال وقوله فجاء بعجل سمين يتضمن ثلاثة أنواع من المدح. قال عز وجل فجاء بعجل سمين. Donc Ibrahim il a apporté un veau. قال أحدها خدمة ضيفه بنفسه. Ibrahim, il n'a pas appelé quelqu'un. Là, lui-même, il est parti. Et il est venu avec un ajl samin. Ça montre que lui-même, il a voulu servir ses invités. قَالَ فَإِنَّهُ لَمْ يُرْسِلْ بِهِ وَإِنَّمَا جَاءَ بِهِ بِنَفْسِهِ. Donc ça nous montre, ya ikhwan, quand on reçoit des invités, on doit ne pas oublier al-khayr. مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهِ. Donc ça doit impliquer que toi-même tu dois faire les efforts. Bard al-Nas, ils reçoivent des invités et ils sont assis alors qu'ils ont la capacité de faire certaines choses et ils demandent qu'aux autres. Anta fekada. Bel bardouhum ashaddu min dhalik. Ils demandent à certains invités. Et ça, c'est un très mauvais comportement. Qala al-thani annahu ja'ahum bi hayawanin tam lam ya'tihim bi ba'dih liyatakhayyaru min atayib lahmihi ma sha'u. Et ça, c'est un autre comportement adhim. Vous avez remarqué que Ibrahim, alayhi salatu wasalam, il est venu avec un ijl samin entier, un veau entier. Pourquoi? Pourquoi? Peut-être qu'un des invités préfère plus telle partie. Peut-être que des invités ne peuvent pas manger telle partie du veau. Maintenant, s'il leur a emmené que la cuisse ou l'épaule, peut-être qu'un invité ne mange pas. Enfin, il a emmené le veau entier. Hatta chaque invité, il puisse manger la partie qu'il aime. قال الثالث أنه سمين ليس بمهزول وهذا من نفائس الأموال ولد البقرة السمين. Ça fait partie des meilleures viandes. Le veau est ولد البقرة, le petit de la vache, un veau, خاصة s'il est سمين, s'il n'est pas maigre, ben il est assez gros. هذا سمين أنفس اللحوم. قال فإنهم يعجبون به فمن كرمه هان عليه ذبحه وإحضاره. Et là, chaque, il n'y a aucun doute, al-nahada, c'est un coût. Comme à notre époque, acheter un veau, c'est un coût. Enfin, à l'époque de Ibrahim Kadalik, ça avait un coût. Mais al-nahada, il a fait cet effort. Et il a acheté Oh, est-ce qu'il l'a acheté? Oh, il le possédait. Dans tous les cas, c'est un bien qu'il a dépensé. Que ce veau, il le possédait déjà, va le sacrifier, le donner à ses invités. C'est un de ses biens. Oh, s'il l'a acheté, qu'est-ce qu'il a dépensé ses biens? Enfin, ça demande un effort. Qala, فمن كرمه هان عليه ذبحه وإحضاره. نعم من كرمه هان عليه. أما pour إبراهيم عليه الصلاة والسلام, c'était la moindre des choses. قال وقوله إليه متضمن لمدح وأدب آخر وهو إحضار الطعام إلى بين أيدي الضيف بخلاف من يهيئ الطعام في موضع ثم يقيم ضيفه فيورده عليه. Ça c'est un autre comportement. فجاء إليهم قال رحمه قال سبحانه وتعالى فجاء بعجل سمين plutôt فجاء بعجل سمين. Vous avez remarqué que il est venu avec هذا العجل, avec ce veau, et il leur a approché ce veau pour qu'il mange. Ibn Qayyim رحمه الله قال هذا c'est un adab important par rapport aux invités. قال وهو إحضار الطعام, et que tu leur apportes le ta'am où qu'ils sont. Et bien, خلاف من يهيئ الطعام, من يهيئ الطعام في موضع ثم يقيم ضيفه. Contrairement à certains qui font déplacer هذا الضيف dans une autre pièce. Ça peut mettre l'invité mal à l'aise. Pourquoi? L'invité, déjà dès qu'il rentre dans cette maison, qu'il ne connaît pas, encore plus s'il ne connaît pas cette personne qui l'accueille, le fait de rentrer, déjà tu es mal à l'aise. Enfin, quand tu t'es assis et tu commences à avoir certains repères, alhamdoulilah. Enfin, si on te fait lever de ta place une autre fois pour te changer d'étage ou de chambre, enfin, ça peut ajouter une gêne. C'est pour ça que minal muhim ou minal mufid, quand tu reçois des invités, akhil karim, mets-les directement dans la pièce où tu veux qu'ils restent. Ils vont manger dans cette pièce, ils vont poser leurs vêtements dans cette pièce, etc. Il y en a chacun connaît chez lui et tu sais où est-ce que tes invités peuvent rester. Amal Bardi se précipite. Ils les font rentrer dans la première chambre. Thomas, 10 minutes après, ils leur disent, ah, il faut se lever, mon épouse, elle doit rentrer, ou mes enfants, ou min hadha al-kalam. Et là, chacun, ça met très mal à l'aise. Il y en a, tu sens que tu gênes. Il y en a, s'il faut qu'on te déplace de cette chambre vers une autre chambre, c'est que tu gênes dans la chambre. C'est pour ça qu'on doit faire attention. Et ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala wassa'a alayhim, certains, Allah, il leur a ouvert les portes et ils ont une grande maison, ou plusieurs étages. Enfin, mitla haoula, ils doivent réserver un endroit pour les inviter. Un endroit pour les inviter avec un point d'eau, si possible. Avec un endroit, hatta l'invité se sent très très à l'aise. قال وقوله قال ألا تأكلون فيه مدح وأدب آخر. قال ألا تأكلون. Pourquoi vous ne mangez pas? Où est-ce que vous ne mangez pas? فإنه عرض عليهم الأكل بقوله ألا تأكلون وهذه صيغة عرض مؤذنة بالتلطف بخلاف من يقول ضعوا أيديكم في الطعام كلوا تقدموا ونحو ذلك. نعم لا, il ne leur a pas dit mangez, approchez-vous, avec un ordre. Il y en a que d'ailleurs ça peut mettre mal à l'aise. Là, il a cité هذه الصيغة sous forme de question ألا تأكلون, est-ce que vous ne mangez pas? Oui, هذا التلطف. Ça nous montre أن ما يفعل البعض أنهم يبوز لا نوريتور ثم يزنسيست جدا مانج إلى أغري بعضهم يبوز دي كيستيون مي بوركوا تو نيم با جو تامين كيلكو شوز دوتر اي اكسيتيرا اي يما تري تري مال ا ليز نانفيتي. Vous avez remarqué que tu peux montrer à ton invité ou tu peux lui dire matalan est-ce que tu ne manges pas. Pourquoi? Parce que certains invités sahih ils ont tellement de la haya, ils sont tellement pudiques, ils sont tellement gênés qu'ils ont du mal. Tu lui dis l'autre, une parole qui va lui permettre d'être plus à l'aise de manger. Lakin al-ba'd, à cause de l'ignorance, son invité il mange et il lui dit mais tu manges pas assez, pourquoi tu manges pas, je t'emmène quelque chose d'autre, alors que l'invité il mange. Bah hada c'est pas min al-adab. Kadhalik, si ton invité tu sens que tu lui as dit une fois, et tu sens qu'il ne mange pas trop, peut-être que c'est une chose qu'il n'a pas l'habitude de manger. Peut-être que, au lieu de dire est-ce que je t'emmène autre chose, emmène autre chose sans parler. Si tu as autre chose, alhamdoulilah, peut-être qu'il va manger de l'autre plat. Enfin, هذه adab que l'imam Ibn Qayyim, rahimahullah, il a cité Ikhtisar dans ce livre Tabukiya et qu'on avait étudié ensemble, et on les a recités ici. Mimbab al-Fa'ida. La référence à Tabukiya de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah à la fin de la Risala. Qala al-imam Ibn Hibban rahimahullah. Inni la astahibbu lil'aqil المداومة على إطعام الطعام والمضاومة على إقراء الضيف. إقراء الضيف c'est comme إكرام الضيف, ça ressemble. أي prendre soin, accueillir son invité. قال لأن إطعام الطعام من أشرف أركان الندى ومن أعظم مراتب ذوي الحجة. نعم, ça fait c'est un bon comportement, il est معلوم, il est معروف, il est مشهور عند العرب وعند غيرهم. Que ça soit la période de l'islam ou avant l'islam. قال ومن عرف بإطعام الطعام شرف عند الشاهد والغائب حتى c'est devenu معروف عند الناس. Celui qui a هذا الكرم, qui est hospitalier, qui aime les invités, qui les honore. حتى عند الناس, il est considéré comme une personne pieuse, comme une personne qui a un très bon comportement. قال وقصده الراضي والعاتب وقرا الضيف. قرا الضيف donc c'est comme اقرا الضيف, اي اكرام الضيف. يرفع المرء وان رق نسبه الى منتهى بغيته ونهايه محبته ويشرفه برفيع الذكر وكمال الدخر. نعم, donc c'est une cause pour que l'insan soit élevé ici-bas et bien sûr dans l'au-delà. قال أبو حاتم والعرب لم تكن تعد الجود إلا قرى الضيف وإطعام الطعام ولا تعد السخي من لم يكن فيه ذلك. نعم, العرب عندهم quand ils parlaient de الجود أي la générosité, l'hospitalité, ils pensaient directement à homme الضيف, le fait d'honorer son invité avec de la nourriture, etc. ولا تعد السخي. As-sakhiya, donc c'est al-karim, celui qui dépense, qui aime donner. Man lam yakun fihi thalik. Pour eux, quelqu'un qui n'honore pas son invité, il ne fait pas partie de al-kurama, ceux qui ont as-sakha, qui donnent. Qal hatta inna ahadahum rubbama sara fi talab al-dhayf al-mil wal-milayn. Masha'Allah. Hey, ba'dhum. Tellement qu'ils aimaient accueillir les invités, honorer les invités, Obama, ils se déplaçaient. 1000 ou 1000, 2, 3, 4 kilomètres pour chercher un invité pour pouvoir l'honorer. Et encore plus, Al-Mu'min. Encore plus, Al-Mu'min. Ces exemples qu'il a donnés, Inda Al-Arab, que ce soit avant l'islam. Et encore plus pour Al-Mu'min. L'imad Aliyan Al-Mu'min, il applique ses bons comportements en espérant la récompense indallah azza wa jalla. Fala tadhunna cet invité que tu reçois, ça va être une cause que tes biens vont diminuer. On doit tous craindre Allah azza wa jalla. Si tu honores cet invité, Allah subhanahu wa ta'ala il t'élèvera. Si tu donnes à cet invité, Allah subhanahu wa ta'ala il te donnera. Et qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent si on n'honore pas nos invités, si on dépense pas fi sabilillah, si on prend pas soin de nos proches? On prend pas soin de nos proches, etc. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec Hadal Mal? Hadal Mal, c'est fait que pour ça. L'argent, il y a Ikhwan, c'est fait que pour ça. L'argent, c'est fait pour faire du khayr. On doit faire attention à ceux qui qaddas et qui abdom l'amwal, ceux qui donnent trop d'importance à l'argent, qui pensent qu'à l'argent. L'argent, pour eux, c'est plus un moyen pour faire du khayr. Là, l'argent, ça devient une fin en soi. Et ils tombent dans al-fitna. Là, nous, cet argent, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous l'a donné. Et on doit l'utiliser. On doit l'utiliser dans le khayr. Que ce soit un invité, que ce soit pour tes proches, que ce soit pour faire le hajj, pour l'umrah, pour l'ilm, pour une sadaqa, pour tes besoins de tous les jours, nourriture, etc. Al-Muhim, l'argent, on doit l'utiliser fi hada. Qala rahimahullah. Yajibu ala al-aqil ibtira'u al-adhiyaf wa badlu al-kis. لأن نعمة الله إذا لم تصن بالقيام في حقوقها ترجع من حيث بدأت. Ce qu'on vient de citer, c'est une ni'ma, celui qui a de l'argent. Et le fait de dépenser cet argent, c'est une autre ni'ma. Enfin, celui qui ne donne pas al-haq, à son frère musulman, qui ne donne pas le haqq de cet argent, qui ne craint pas Allah fi hadha al-mal, et dans cette ni'ma que Allah il lui a donné, qala li anna ni'mat Allah idha lam tusan bil qiyam fi huquqiha tarji' min haythu bada'at. Vous vous rappelez de la phrase dans le cours précédent ou il y a quelques jours, on cite Mouhim dans les derniers chapitres qu'on a lus, la comparaison qu'il avait fait avec un ni'ma. C'est comme un voisin, c'est comme un compagnon. Si tu as un bon comportement, elle reste auprès de toi. Si tu as un mauvais comportement, elle partira, elle cherchera quelqu'un qui a un bon comportement. Hakada an-ni'ma, les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. On a, il a cité un autre mithal, qala rahimahullah, on le répète. Li anna ni'mat Allah idha lam tusan bil qiyam fi huquqiha. Si on ne prend pas soin des ni'am que Allah nous a donné, argent ou autre, en donnant le haqq de cette ni'ma, tarji'u min haythu bada'at. Cette ni'ma retournera d'où elle est venue. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il donnera à d'autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il donne à qui veut, il possède tout. Lakin anta, tu peux être privé d'une ni'ma. Pourquoi? À cause du manque de reconnaissance. Qala azza wa jal, wa itta'adana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Celui qui est reconnaissant, et parmi la reconnaissance, c'est le fait de donner al-haq à ceux qui ont un haq. Et catholique, de donner fi sabilillah, si on parle de notre exemple de l'argent. C'est une cause pour que Allah subhanahu wa ta'ala te rajoute. Wala in kafartum in adhabi la shadid. Celui qui n'est pas reconnaissant, il risque le châtiment. Et il risque de perdre cette ni'ma. Qala rahimahullah, thumma la yanfa' man zalat anhu at-talahufa 'alayha. Une fois que cette ni'ma a disparu, tu ne la possèdes plus. Les regrets. Ah, j'aurais dû faire, j'aurais dû plus donner, j'aurais dû. Une fois que la ni'ma n'est plus là, elle n'est plus là. Le musulman doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et préserver hadhihi ni'ma. Et comment on fait pour préserver les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné? En craignant Allah subhanahu wa ta'ala dans cette chose. Si c'est de l'argent, fait, tu crains Allah. Si tu dois sortir la zakat, tu la sors. Si tu vas l'inviter, tu crimo. L'inviter, il a un haqq adhim. Et ce haqq, il est obligatoire. L'accueillir un jour et une nuit. Enfin, c'est pour ça que si cet invité il est dans une ville, et personne ne lui donne son haqq, personne ne veut l'accueillir, et personne ne lui donne à manger, vu que c'est une obligation, ils ont des péchés. Il y en a cette obligation, si un musulman il l'a fait, maintenant dans une ville, un musulman il accueille cet invité, enfin pour les autres c'est plus obligatoire. Il y en a un frère, il l'a accueilli. Lakin, si personne l'accueille, si personne ne l'invite, فالجميع يأثمون. الجميع, ils ont des péchés. قد يقول قائل هنا أن certains invités, on ne les connaît pas. Et à notre époque, Obama, si tu accueilles cet homme chez toi ou cette famille, peut-être que tu vas avoir des problèmes. On ne parle pas de ce cas, on parle des cas où il n'y a pas de problème. أمن في une époque ان المسلم يدوا faire attention. تذكرون قبل سنوات quand il y a eu les attentats à Paris et واحد qui avait invité certains ثم وقع في مشاكل كبيره عظيمه sans rentrer dans les détails, est-ce qu'il les connaissait, les connaissait pas, il était véridique comme là, ça c'est autre chose. Lakin, on a cité cet exemple, ça peut arriver. Tu accueilles Wahed, il est en voyage, et c'est un musulman, et il veut faire du sort, ayyadam billah, il fait partie de l'Khawarij, il veut faire un attentat, fa biyad al-hal. Si tu as des doutes, ou tu crains un mal, fa biyad al-hal, t'es ma'adour, bien sûr. Lakin, sans tomber dans la paranoïa. Alhamdulillah, certains, ils sont à la khayr, ils veulent du khayr, et alhamdulillah, fa biyad al-hal, on fait du khayr. Lakin, sans négliger ce point. قال رحمه الله وإذا أدى حق الله فيها استجلب النماء والزيادة واستدخر الأجر في القيامة. En utilisant ces biens que Allah subhanahu wa ta'ala il t'a donné, أولاً c'est une cause pour que Allah il te rajoute. La azidannakum, هكذا قال عز وجل. Je vous rajouterai. ثانياً كذلك, c'est de l'argent que tu mets de côté pour يوم القيامة. Et vu que يوم القيامة il n'y a pas d'argent, c'est des hasanat. En prenant soin de cet invité, en donnant fi sabilillah, tu prépares يوم القيامة. Enfin, ne pense pas que c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Abadan. Lianna, cette pensée, cet amour excessif de l'argent, ça pousse au bukhl, à l'avarice, comme on l'a vu dans un des chapitres précédents. Qala wa unsur qira' al-dhayf huwa tarku istihqar al-qalil wa taqdim ma hadara lil-adhyaf li'anna man haqqara mana' ma'a ikram al-dhayf bima yaqdir 'alayhi wa tarku al-iddikhar 'anhu. Ça, c'est des points importants pour nous faciliter à appliquer ce hadith et pour nous faciliter, nous encourager à accueillir, honorer encore plus nos invités. Un unsur qira' al-dhayf, et parmi les bases, les choses qui vont t'aider à honorer ton invité, tarku istihqar al-qalil. Le shaitan, il va te faire croire, comme on l'a vu précédemment, pourquoi tu vas l'accueillir chez toi? Tu n'as pas beaucoup, tu as que telle chose. C'est pas assez, peut-être qu'il va dire, peut-être qu'ils vont dire. Ça, c'est mine shaitan. Ça, c'est mine shaitan. Ce que tu vas manger, alhamdulillah, il va le manger. Pourquoi toi, tu le manges? Tu le manges parce que c'est mangeable. Fallait inviter Kazalek qui va manger. Rien à nous. On se fait du mal et on se prive du khayr à cause de ce genre de wasawis. Comme on l'avait cité dans le sadaqa. Je donne pas parce que c'est pas assez. C'est shaitan. Il veut que tu ne donnes pas comme ça, tu n'as pas de hasanat. وهكذا مع الضيف. قال والتقديم حضر للأضياف. Alhamdulillah. Si chez toi vous avez préparé certaines choses, alhamdulillah. Si il y a pour 3-4 personnes et tu as un ou deux invités, enfin, ce qui est pour 4, ça va suffire pour 5-6, il n'y a aucun problème. قال لأن من حقر منع. N'oubliez pas هذا. C'est comme une base, une règle dans le fait de faire du bien. Man haqqara mana'. Celui qui pense qu'une chose n'a pas de valeur, il ne fera pas cette chose et il se privera. Rencontrer ton frère avec un visage souriant. Ba'dhum yuhaqqirun mithl hadhihi al-a'mal. Ba'dhum pense que le bien c'est que faire le hajj, que faire as-salat, que faire le siyam ramadan, ça s'arrête là. Donc il ne donne pas beaucoup d'importance à ce genre de ibadah. من حقر منع هكذا الصدقة ولو بالشق تمرة ولو avec la moitié d'une date tu auras des récompenses هكذا avec les invités. Donc on fait attention de ne pas minimiser le khayr. Ça vient de shaitan pour qu'on ne fait plus le khayr. قال مع إكرام الضيف بما يقدر عليه, avec cette précision bien sûr par rapport à tes moyens. Si tu peux, alhamdulillah, si tu ne peux pas, un autre musulman, il l'accueille. Et on doit s'entraider, vihada. Il y en a des musulmans, ils n'ont pas la capacité. Ils n'ont pas de place chez eux, ça arrive. Ils n'ont pas les moyens. Ils sont occupés. Ils s'occupent de leurs parents malades, de leurs... Enfin, vihada al-hal, un autre musulman qui a la capacité, il doit s'en occuper. Et normalement, si on a compris ce chapitre et on a compris ce hadith, normalement, on doit se concurrencer, vihada. On doit se concurrencer. S'il y a un invité, normalement, on doit se concurrencer. Qui c'est qui va l'accueillir? Normalement, on doit trouver ce problème. On est plusieurs à vouloir l'accueillir. Comment on fait? On vient à une époque, tu trouves un meskin qui a besoin. Et tu trouves un groupe, combien dans cette ville? 10, 20, 50, 100 familles de musulmans. Et il ne trouve pas où aller. Ça, c'est un manque. Et ça, c'est à cause de quoi? C'est à cause de qaswat al-qulub. La dureté des cœurs à cause des péchés. On vit à une époque où beaucoup de gens, ils sont égoïstes. Nafsi, nafsi. Ouais, ils ne pensent pas à ce frère. Où est-ce qu'il va dormir? Est-ce qu'il a mangé? Ouais, ils pensent. Il a une famille, des enfants. Il a un rythme et il faut que ça soit déréglé en rien. Ça, c'est mina shaitan, ya ikhwan. Un musulman, il doit donner du temps aux autres. Et celui qui a connu le ghurba, il arrive à ça. Celui qui connaît le ghurba dans un autre pays, avec des manquements, et tu te retrouves dans des situations, tu connais ce genre de situation. Et tu apprécies quand ton frère musulman te donne du temps. et il t'invite chez lui, ou yukrimuk. Enfin, on ne doit pas oublier nos frères qui sont dans des situations délicates. Qala, rahimahullah, wa laqad haddathani Kamil ibn Mukram. Qala haddathana Muhammad ibn Ya'qub al-Farji. أبو يعقوب قال حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثنا عقبة بن علقمة ومبشر بن إسماعيل أنهما سأل الأوزاعي ما إكرم الضيف قال تلاقة الوجه وطيب الكلام. Ils ont demandé à l'imam, l'imam de son époque dans la région du Sham, Al-Awza'i rahmatullah alayh, sur Ikram al-Dhayf. C'est quoi Ikram al-Dhayf? Et comment honorer un invité? Qu'est-ce qu'on doit faire? قال تلاقة الوجه, avec le sourire, وطيب الكلام, et des bonnes paroles. Pourquoi لأن الضيف, même si tu l'invites chez toi, et même si tu lui donnes à manger, etc., لكن il ressent que tu es gêné, que tu n'es pas souriant, que tu le déranges, tu ne l'as pas honoré, في هذا الحال, tu l'as mis dans une situation très difficile. وهكذا, lui donner du temps, à mal inviter, le laisser dans une pièce, et Khazatan, s'il entend qu'Annahu il dérange et ce musulman il est occupé, on doit faire des efforts. Talaqatul wajh wa tayyib al-kalam. Donne-lui du temps. L'invité, on ne l'honore pas qu'avec la nourriture. Là, kadalik avec le kalam tayyib. Peut-être qu'il a besoin de parler, peut-être qu'il est en voyage, ça fait des jours, il est seul. Peut-être qu'il se retrouve dans cette situation parce qu'il a des problèmes. Fa'adal-hal, le kalam tayyib, lui donner shay min al-waqt selon ses capacités. Et talaqatul wajh, lui montrer annahu il est le bienvenu, lui montrer annahu il dérange en rien, lui montrer annahu c'est notre frère musulman, et ça c'est le minimum qu'on puisse faire. Qala rahimahullah wa anshadani al-Quraizi fi qawm lam yakunu yudhifun. Al-Quraizi a cité ces vers de poésie pour montrer la situation de ceux qui n'aiment pas, qui n'accueillent pas leurs invités. قال نختصر الصدق الشاهد قال إذا أبصرت شخصا من بعيد فصفق بالبنان على البنان تراهم خشية الأضياف خرصا يصلون الصلاة بلا أذان. Ça c'est حال البعض أنهم quand ils voient واحد un مسلم qui a besoin de أضياف qui a besoin d'être accueilli فربما يصفقون. Et pour prévenir, ils doivent partir, et ça c'est bien sûr, mais c'est une image pour montrer tellement, même s'ils sont au masjid, ils sont prêts à faire la salat sans les dames, et tellement qu'ils veulent se dépêcher pour fuir, pour ne pas faire partie de ceux qui vont accueillir cet invité. Et هذا لا شك c'est من البخل. فلهذا قال أبو حاتم رحمه الله أبخل البخلاء من بخل بإطعام الطعام. Le pire des avares, c'est celui qui, son avarice, elle le pousse à ne pas nourrir celui qui a besoin. قال كما أن من أجود الجود بدله. Et le fait de donner à manger, ça fait partie de أجود الجود, ça fait partie de la générosité. قال ومن ظن بما لا بد للجثة منه. ظن هنا c'est بالضاد, c'est pas بالضاء. تقدم معنا c'est بمعنى البخل. قال ولا ترب النفس إلا عليه كان لغيره أبخل وعليه أشح ومن إكرام الضيف طيب الكلام وطلاقة الوجه كما تقدم la parole de l'imam al-Awza'i. والخدمة بالنفس ça c'est من إكرام الضيف. Et on a un exemple في النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجاء بعجل سمين. Lui-même, il est venu bihad al-ijl. Lui-même, il a fait des efforts pour prendre soin de ses invités. Enfin, ça, c'est min al-akhlaq al-fadila. Le muslim qui, lui-même, il fait des efforts pour prendre soin de ses invités. Et là, ben, s'ils sont beaucoup, s'il a des enfants et ses enfants, il l'aide. Fayata'awanoun, kadalik, c'est les invités de ses enfants. Lakin, s'il peut participer, fahada, c'est tayyib. قال فإنه لا يذل من خدم أضيافه كما لا يعز من استخدمه أو طلب لقراته أي لإكرامه أجرا. Et ça c'est vraiment vraiment baïd, c'est vraiment un mauvais comportement. Celui qui utilise ou qui demande à ses invités de faire certaines choses. Et ça arrive, hein. يا اخوان صعيب هذا عند بعض من قص قلبه كي سيكار دو علم دو لا ميز ان ابليكاسيون اي يتاثر بالبخلاء كي بونس كات دنيا صعيب هذا انا حتى دون سو مومون ربما يدوموند ا سون انفيتي دو فير سيرتين شوز واشد من ذلك سلوي كي دوموند اجر كي دوموند اون كومبنساسيون اي ما دو لارجون اي ما ان سيرفيس اوتر اي لا كي سيت انفيتي سي لانفيتي ان ايشانج يفي اوتر شوز من سوء الأخلاق. هذا ما يتعلق بهذا الباب المهم concernant les bons comportements. فاستفدنا en lisant le hadith d'Abu Huraira رضي الله عنه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. Donc ça nous montre من علامة الإيمان. Ça fait partie de la foi d'honorer son invité. كذلك استفدنا من قراءة الآية من سورة الذاريات l'histoire de Ibrahim quand il a reçu ses invités, il savait pas que c'était des anges au départ et akramahum. Et on a lu un court résumé de la parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah dans At-Tabuqiyya concernant certains comportements à avoir avec Ad-Dhaif. Et vous avez remarqué que ces comportements, ils sont basés sur tu dois tout faire pour ne pas le gêner. Quand on a lu sa parole, ne pas lui dire de manger et d'insister, ne pas le déplacer, ne pas... Tout ça montre qu'on doit tout faire pour ne pas le gêner. Pourquoi les An-Nadhaif dans cette situation, Aslan il est gêné. Aslan il est gêné, il n'est pas chez lui, il sait bien sûr que ça demande certaines choses, chercher de la nourriture, etc. On doit tout faire pour ne pas rajouter de la gêne sur la gêne. Ça c'est min a'zam al-ikram. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala. الثبات والإهانة. Et on passe بإذن الله عز وجل au درس suivant.